en a parlé au tout début de l'émission quand j'ai fait la rapide présentation de ce qu'on allait s'écouter ce soir, notamment au niveau des nouveautés. Et bien dans l'aspect française, on va s'envoyer tout de suite Mudvayzer. Le groupe sort son nouvel effort studio The Call. Qu'est-ce donc que Mudvayzer ? Personnellement, c'était une découverte. Hein. C'est un groupe de stoner qui nous vient du sud de la France, Montpellier plus précisément, actif depuis 2005, donc déjà une bonne quinzaine d'années d'existence. Ils sortent là leur quatrième effort studio. On est sur un stoner un peu crasseux, mais surtout bien groovy et très catchy. Et au niveau du line-up, on retrouve derrière le micro Renaud, le vocaliste de Lofofora. Voilà, son timbre de voix colle vraiment bien à l'ambiance musicale de Mudvayzer. Et puis il est dans le groupe depuis le début, hein, quasiment, puisqu'il n'était pas chanteur à la toute formation, mais il est arrivé un ou deux ans après. Et en doublette avec Mudvayzer dans un registre complètement différent, un groupe qui nous vient de Chambéry, actif depuis une dizaine d'années, premier album studio pour Viande, on a eu du Death Grind Death, un peu même Blackening, en fait c'est comme si Revenge faisait un peu plus de Death, hein, parce qu'il y a une grosse ambiance Archgoat par-dessus, et des relents bien crasseux à la sauce Incantation ou Father Befold, et les titres sont chantés en français pour donc ce nouvel effort studio de Viande. Mudvayzer, Eye Again, Viande, le titre Le Ventre Monde, extrait de le nouvel effort studio L'Abîme Dévore les Âmes. C'est parti. You leave fog while I la doublette suivante dans l'aspect française, elle rigole zéro, Excruciate 666 et Yarods, deux formations qui nous viennent du nord de la France. 666, Excruciate, voilà, c'est du black metal ultra frontal, actif depuis une vingtaine d'années, c'est radical, ça défonce tout, et c'est très bien. Et Yarods, ensuite, on est sur du punk hardcore, post-hardcore et même un peu chaotique hardcore. Une des principales influences de la formation, c'est Converge. Et à noter donc que dans le line-up, on a deux membres de Junon, ex-General Lee, groupe de post-hardcore qu'on a déjà diffusé ces dernières années. Excruciate 666, le nouvel effort studio s'intitule Antique Warlord Supremacy. On s'écoutera le morceau Search Tandem Carnifex. Yarods ensuite avec le morceau Last Lust, extrait du nouvel effort studio Erinys. C'est parti. We'll be right back. La doublette suivante, eh bien, c'est une fois de plus une doublette de nouveautés, puisqu'on est encore dans l'aspect française. Nous avons donc Dis Funeral, le groupe qui nous vient du Grand Est de la France, hein, Nancy plus précisément. Après un EP sorti en 2017, ils sortent là leur premier album. Alors on est sur du death HM2, comme on appelle ça, de grosses inspirations death suédoises, Dismember et autres Entombed. Voilà, c'est ultra direct, 9 titres pour 32 minutes, c'est efficace, ça dévaste tout, et bah, il n'y a aucun ennui. Le visuel lui-même dégouline les années 90, il est signé John Whiplash, ex-membre de Skeletal et autres Infinite Translation. Voilà, Dis Funeral, ça fait rêver à fond sur le papier, et puis quand on se met l'album, ça glisse tout seul. Blood Red Tentacle, c'est le nom de ce nouvel effort de studio de Dis Funeral. On s'écoute le titre Festering the Undead. Et ensuite Sanctuary, là on est sur du hardcore, j'allais dire tout neuf et en même temps absolument pas, puisque le groupe, la formation, oui c'est tout récent, et cependant c'est que des vétérans de la scène. On retrouve des membres de Nuisible, j'ai perdu ma petite fiche, faudrait que. On aura l'occasion d'en reparler à la prochaine émission en direct pour s'en dire un petit peu plus autour de Sanctuary. Ils sortent là une toute première démo, deux titres et puis une intro, hein, et bon, c'était difficile de passer à côté. On s'écoutera le titre All is Illusion, Dis Funeral Sanctuary, histoire de finir cette spé française absolument pas en douceur. C'est parti. On réattaque donc la diff internationale et puis on attaque du coup les 15-20 dernières minutes de l'émission Hellbanger de ce soir. On est encore ensemble jusqu'à 23h dans cette nouvelle émission en différé. Et on va enchaîner avec Armory. Armory, c'est un groupe de speed, heavy speed, qui nous vient de Suède, actif depuis 2012. Dans les grosses inspirations, on a Agent Steel et autres Vulture, voire même Evil Invaders. C'est plutôt old school et ça défonce sous tout rapport, même si le chanteur ça manque un petit peu de piquant, malgré son timbre bien accrocheur. Voilà, Armory c'est dans cette veine de groupe un peu revival ultra efficace. Mercurion c'est le nom de ce nouvel effort studio, et en doublette avec Armory, une autre nouveauté signée Les Acteurs de l'Ombre. Il s'agit du groupe lituanien Au-dessus, groupe de post-black. Ils sortent un nouvel EP à la fin du mois. Sachant que le premier album date déjà de 2017. Voilà, 5 titres pour 25 minutes. Le nouvel EP, voilà, toujours un black assez travaillé, très riche, un peu atmo, contemplatif, et puis parfois beaucoup plus agressif et violent. Et le groupe est toujours donc chez les Acteurs de l'Ombre. Il s'intitule sobrement Mend, ce nouvel EP. Wormhole Escape pour Armory, Alienation pour Au-dessus. A noter que cet EP ne sortira que le 29 avril. Yeah. On s'approche donc tranquillement de la fin de l'émission d'aujourd'hui, mais on a encore le temps de se faire une petite doublette de nouveautés. Tout d'abord, Beyond Mortal Dreams. Ça nous vient d'Australie, on est sur du Death Brutal Death. Le groupe a commencé à être actif dans les années 90, mais les premiers enregistrements en studio n'ont vu le jour qu'au courant des années 2000. Un premier album en 2008, un EP en 2012. Et puis, ça a mis un petit peu de temps à sortir, puisque ce nouvel album s'est enregistré entre 2017 et 2021, et il ne sort donc que 7 titres pour 40 minutes, et les morceaux atteignent cependant les 7 bonnes minutes. On est sur un death ultra agressif, un peu dans une veine, vu la longueur des morceaux et la richesse, un peu dans une veine Vital Remains, avec un petit effet rouleau compresseur à la sauce Immolation. Donc voilà, Beyond Mortal Dreams, ça a été une très bonne redécouverte. Et en doublette avec cette formation australe, on va s'écouter Spiral Skies. Alors là, c'est pareil, c'est une nouveauté de nouveauté, un groupe de doom assez rock, rock occulte, Cuckoo Coven. Ça nous vient de Suède, influencé entre le vieux hard des années 70 et le heavy doom des années 80. C'est light musicalement, ça permet de souffler en fin d'émission, mais ça reste assez catchy et dynamique. Le groupe est actif depuis 2014 et c'est une vocaliste qui emmène la formation. Formation qui d'ailleurs depuis 2021 avance à 3 guitaristes. Donc voilà pour la petite richesse musicale en plus autour de cette nouvelle formation Spiral Skies, enfin nouvelle formation qu'on vous diffuse. L'album s'intitule Death is but a Door et c'est une sortie Art of Propaganda Records. On s'écoutera le titre Somewhere in the Dark et avant ça Beyond Mortal Dreams Defecate in Flesh. C'est parti. Et on arrive donc à la doublette de clôture pour l'émission d'aujourd'hui, une doublette bah, toujours bien extrême. Blood Countess, tout d'abord, le groupe de black anglais qui sort son premier album studio, un concept groupe tout autour de l'histoire d'Elizabeth Bathory, avec une vocaliste bien agressive et hurlante sur ses lignes vocales. Musicalement, on est sur un BM plutôt classique, occulte et radical. Et en doublette, donc le groupe d'Europe de l'Est, les Hongrois de Pediatrician, ils sortent là un 13 titres pour 32 minutes de son, hein. Ils sont à 16 ans d'existence, 6e album studio pour le groupe venu de l'Est. On s'écouterait le titre Innocent Abuse, où le batteur fait complètement n'importe quoi, c'est assez prodigieux, j'adore ces petits défis techniques et physiques. Postpartum Depression, c'est le nom de l'album, une sortie Vile Tapes Record. Et juste avant ça, Blood Countess, le team Screams Over Carpathia. L'album s'intitule Occulta Tenebris. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous. Très bon dimanche. Et puis, on se retrouve dimanche prochain pour une émission en direct, normalement. Ciao, ciao.